Lundi, j'ai bien écouté ce qu'il a dit le président Macron. Croyez-moi, je vous demande des sacrifices pour ralentir l'épidémie. Jamais. Ils ne doivent mettre en cause l'aide aux plus fragiles, la pérennité d'une entreprise, les moyens de subsistance des salariés comme des indépendants. Et du coup m'est venue une question. Comment tu fais si t'es en fin de droit Pôle emploi, que le boulot que tu avais trouvé te passe sous le nez pour cause d'épidémie de coronavirus et que tu n'as pas les 25 ans requis pour faire une demande de RSA? Alors, pour avoir la réponse, j'ai appelé Pôle emploi. Pôle emploi, bonjour. Si elle n'a pas de rechargement possible, si elle n'a pas suffisamment travaillé et qu'elle est en fin de droit, sa situation continue normalement avec Pôle emploi. C'est-à-dire qu'elle arrivera en fin de droit. Après, elle recevra un questionnaire ASS pour qu'on puisse étudier si ou non elle peut percevoir l'ASS. Ou alors, il y aura un rechargement si elle a suffisamment travaillé. Donc, si elle n'a pas assez travaillé et qu'elle n'a pas l'âge de toucher le RSA, elle se retrouve là sans revenu. Ben, ouais. En tout cas, sans revenu. En tout cas, c'est pas Pôle emploi qui va verser des allocations. Parce que Pôle emploi indemnise au titre de l'allocation chômage les personnes qui subissent une perte d'emploi dès lors qu'ils ont suffisamment travaillé pour pouvoir percevoir cette assurance-là. Donc si elle n'a pas assez travaillé et qu'elle n'a pas l'âge de toucher le RSA, elle se retrouve là sans revenus.